Chapitre 4e. Un trou creusé au clair de lune. Nous sommes à table chez M. Dare. La conversation roule de nouveau sur la perte du mandat et sur les recherches qui sont faites. M. Dare exprimait à haute voix les pensées qui lui traversaient la tête. En dépit de ce qu'ils disent, je ne puis m'empêcher de croire que ce doit être William Halliburton, répéta-t-il avec emphase. Lui seul se trouvait dans le comptoir et la personne qui était changée le billet chez Blanc lui ressemblait extraordinairement, du moins quant au costume. La figure était cachée, comme de juste. Les gens qui changent des billets volés ont soin de ne pas laisser voir leurs traits. « Mais qui est-ce qui hésite à accuser Halliburton ?» demanda Madame Dare. « Tout le monde ?»« Ashley ne veut pas en entendre parler, il affirme que nous pourrions tout aussi bien l'accuser lui-même. »« Ce ne serait rien encore. » Comme le dit Cyril, M. Ashley est imbu de l'idée que Halliburton ne peut rien faire de mal. Et voilà Delves, qui vire de bord maintenant. Il rejette tout le blâme loin de Halliburton. Et qui accuse-t-il ? Demande Anthony. Il ne veut pas le dire. Il prend des airs mystérieux et refuse de donner aucune explication. Il dit qu'il sait qu'il possède le second manteau. Le second manteau. Ces mots étaient une énigme pour la plupart des auditeurs. Et M. Dare dut expliquer que Delves croyait à l'existence d'un second manteau parié à celui de William Halliburton. Cyril écoutait d'un air étonné. « Delves dit qu'il y en a deux pareils ? » demanda-t-il. « Il est de fait qu'il y en a deux, » répondit M. Dare. « Un des manteaux paradait hier au soir derrière la maison des Halliburton. » Samueline est allé. « Le manteau paradait tout seul ?» demanda la signora Varsigny d'un air perplexe. On se mit à rire. « Le porteur était dedans, mademoiselle, » dit M. Dare. Il continua le récit de Samuel Lynn. « Mais tout cela ne signifie rien si le propriétaire de l'autre manteau n'a pas accès dans la caisse de M. Ashley. Je le leur ai démontré moi-même. Mais Delves, ce qui est plus incompréhensible, n'était pas de mon opinion. Et lorsque nous nous séparâmes, il m'affirma avec un de ses airs d'assurance que vous lui connaissez que ce n'était pas Halliburton, mais l'autre qui avait changé le billet chez le boucher. « Quel épouvantable mensonge !» s'écria Herbert. « Monsieur !» fit M. Dare avec sévérité, tandis que tous les convives ouvrirent de grands yeux à la vue de l'emportement de Herbert. Herbert parut honteux de sa brusquerie. « Je vous demande pardon, mon père. Je me suis laissé aller à ma surprise. Je veux dire que Delves est un menteur, s'il veut blanchir Halliburton. Le fait même que celui qui a changé le billet portait un manteau comme le sien devrait être une preuve suffisante. C'est ce que je pense, » acquiesça M. Dare. « Quelle espèce de manteau est-ce donc que celui dont vous parlez ?» demanda l'institutrice. « La plus grande vieillerie que vous ayez jamais vue, mademoiselle, » répondit M. Dare. « J'ai le plaisir de le voir aujourd'hui sur Halliburton. C'est un drap écossais vert et bleu avec un col bordé de rouge et une légère bande de fourrure autour. »« Écossais, écossais, » répéta mademoiselle. « Mais ce doit être... »« Ce doit être quoi ?» demanda M. Dare car elle venait de s'arrêter court. « Ce doit être très laid. » acheva-t-elle. Mais quelque chose disait à M. Dare que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. « Qu'est-ce que Delves dit sur les manteaux ?» demanda vivement Cyril. « Je ne puis le comprendre. Delves dit qu'il connaît le propriétaire du manteau et que c'est l'autre qui est allé chez Blanc. »« Quelle phrase mystérieuse, papa !» s'écria Adélaïde. « Un manteau qui va changer un billet. Ce sont les propres paroles de Delves. Il avait l'air en effet très mystérieux. « Va-t-il chercher l'autre manteau ?» demanda Cyril. « Je le présume. » Il a réfléchi assez longtemps avant de se souvenir à qui il en avait vu un pareil. Quand la mémoire lui est revenue, il a tressailli de surprise. Qu'ils sont habiles, ces gens de la police, ils n'oublient jamais rien. Et ils fourrent leur nez partout, acheva Herbert d'un ton un peu aigre. Au lieu de perdre son temps dans de vaines suppositions, pourquoi n'arrête-t-il pas Halliburton ? Il est impossible que l'autre manteau, s'il y en a un, ait trempé dans l'affaire. J'ai écrit un billet à Delves pour lui recommander d'avoir l'œil sur Halliburton. Que ce soit agréable ou non à M. Ashley. J'ai rarement rencontré un cas plus évident de culpabilité. Beaucoup d'autres que M. Dare auraient pensé de même. Herbert, comme son père, était persuadé que William Halliburton avait commis le vol et changé le billet chez le boucher. Quant à Cyril, une crainte subite l'avait saisi en apprenant que M. Delves cherchait le second manteau. Il posa sa fourchette et son couteau. « N'as-tu pas faim, Cyril ?» demanda sa mère. « J'ai fait un déjeuner monstre, » répondit-il. « Je ne puis plus manger. » Il resta à table jusqu'à la fin du dîner, étouffé par la nourriture et par la peur. Il se leva quand on eut fini, chercha une paire de grands ciseaux et monta l'escalier, les yeux et les oreilles en éveil. Personne de la maison ne savait ce qu'il allait faire, mais pour la conscience coupable de Cyril, il lui semblait que chacun l'épiait. Une chandelle et les ciseaux à la main, il monta la chambre de Robert et s'y enferma. Dans une des armoires était suspendu un grand manteau bleu que Cyril ôta du clou. Il était doublé d'un drap écossais exactement pareil à celui du manteau de William Halliburton. Le col en était également bordé de rouge et de fourrure. En somme, le manteau de William porté du bon côté et celui-ci à l'envers n'aurait pu se distinguer l'un de l'autre. Ce manteau appartenait à Herbert. Il le portait quelquefois la nuit, du mauvais côté. C'était lui sans doute que le sergent avait rencontré. Il était un peu plus grand que William. Quel avait été son motif en faisant ainsi doubler son manteau, c'est ce que lui seul savait bien. La main tremblante et ne regardant pas clairement où couper ses ciseaux, Cyril commença à découdre la doublure. Mieux valait la faire disparaître pour jamais que de la laisser dévoiler la vérité. Taillant, coupant, déchirant, Cyril acheva sa tâche et laissa le malheureux vêtement tout endommagé, le rependit au clou et réunit les bandes déchirées. On tourna brusquement le loquet de la porte. Cyril jeta les morceaux sur le lit et s'élança vers la fenêtre. Un saut aurait pu le tuer, mais il n'avait plus la tête à lui. On essaya encore d'entrer, puis les pas s'éloignèrent. Cyril crut reconnaître ceux de la femme de chambre Betsy. Elle venait sans doute préparer les lits pour la nuit. Prenant le monceau de déchirure sous son bras, il réfléchit un moment. Sa poitrine haletait, ses mains tremblaient, sa figure était mortellement pâle. Que devait-il en faire? Il ne pouvait ni le manger ni le brûler. Il n'y avait pas une chambre chauffée où il fût assuré d'être seul, et l'odeur d'ailleurs alarmerait la maison. Que devait-il donc en faire? Creuser un trou et l'y enterrer, pensa-t-il subitement, et Cyril descendit furtivement et alla au jardin. Saisissant une bêche, il creusa un trou dans un endroit peu fréquenté et jeta l'étoffe, la recouvrit de terre et laissa la place en apparence telle qu'il l'avait trouvée. « Je voudrais bien que les étoiles donnassent plus de clarté, » marmottait-il. « Je reviendrai demain matin, voir si tout est en ordre, et je ne pourrai pas venir ici avec une lanterne. » M. Herbert Dare avait le même soir une course à faire, son intention avait été de mettre son manteau. Au moment où Cyril mettait la dernière main à son creux, Herbert montait le chercher. « Mettre son manteau. » Quand Herbert ouvrit son armoire, un objet mutilé s'offrit seul à ses yeux. Un manteau décousu, déchiré, effilé. Rien ne put égaler la consternation de Herbert. Il rêvait. Était-ce bien là son manteau? Avant le dîner, il l'avait vu en parfait état. Il le tira, le secoua, le regarda. C'était bien le sien. Mais qui donc l'avait arrangé de la sorte? Était-ce peut-être l'institutrice? Il courut à la salle d'études. La gouvernante y était assise d'un air indifférent. Peut-être attendait-elle Herbert. « Mademoiselle, s'écria-t-il, « qu'avez-vous donc fait à mon manteau ?»« À votre manteau. Qu'est-ce que j'aurais pu y faire? Regardez !» Il étala devant elle. « Qu'est-ce qui a fait cela? Il était en bon état quand je suis allé dîner. » Elle le contempla avec autant de surprise que lui-même laissa échapper une exclamation en italien. Il n'y avait jamais eu femme aussi fine que Bianca Varsini. Le sergent d'Elles avait l'esprit prompt, mais Bianca Varsini aurait battu le sergent. « Tenez !» s'écria-t-elle en levant le doigt. « C'est Cyril qui l'a fait, Cyril. » Elle secoua la tête. « Vous m'avez affirmé que vous n'étiez pas rentré samedi soir pour ressortir entre 10 et 11. »« Certainement non. Je vous disais la vérité. Vous ne vouliez pas me croire. »« Eh bien, ce manteau est sorti. Il était tourné à l'envers. Et la casquette de celui qui était dessous lui descendait sur les oreilles. Naturellement, j'ai cru que c'était vous. »« Ce doit avoir été Cyril. Comprenez-vous ? » ?»« Non, je ne comprends pas. Comme vous parlez mystérieusement. » C'est Cyril qui a volé M. Ashley. Mademoiselle, fit Herbert avec indignation, écoutez mon ami. Il était pâle comme un mouchoir pendant que votre père en parlait à table. N'avez-vous donc pas vu qu'il ne pouvait pas manger? Vous avez l'air d'un coupable, M. Cyril, me disais-je, sans supposer cependant qu'il le fût. Soyez sûr que c'est lui. Il aura pris le billet et sera revenu ici chercher votre manteau et votre casquette pour aller l'échanger contre de l'or. Pensant qu'on accuserait Sir William Hall. Comment dites-vous? C'est Cyril et personne d'autre. Il a peur maintenant, il a déchiré la doublure. Herbert, stupéfait, ne pouvait répondre. Ce ne peut pas être Cyril, répétait-il. Je vous dis que c'est Cyril, persista la jeune fille. Je l'ai vu monter après le dîner avec une chandelle et les grands ciseaux de votre mère. Il ne m'a pas vu, j'étais dans l'ombre. Gageons qu'il allait faire ce beau travail. Alors Cyril est un imbécile s'il a pris le billet. S'écria Herbert, si cela est connu, tout est fini pour lui. Et mon père qui souffle le feu. L'institutrice haussa les épaules. Je n'aime pas Cyril, dit-elle. Il ne m'a jamais plu depuis que je suis ici. Mais vous ne le dénoncerez pas ? Demanda Herbert avec inquiétude. Non, non, non, dénoncez votre frère. Pourquoi donc ? Cela ne me regarde pas. Quand les gens ne se mêlent pas de moi, je ne m'occupe pas d'eux. Cyril n'a pas à me craindre. Qu'est-ce que je ferais ce soir sans mon manteau ? Reprit Herbert. J'allais où j'avais besoin d'aller. Pourquoi voulez-vous votre manteau ce soir ? Demanda brusquement mademoiselle. Parce qu'il fait froid. Celui-ci est plus chaud que mon paletot. Hier soir vous êtes sorti, ce soir vous sortez, demain vous sortirez, c'est toujours comme cela maintenant. J'ai tellement d'affaires sur le dos, je n'ai pas le temps de m'en occuper toute la journée. Il resta encore un moment. L'Italienne était de mauvaise humeur. Il supporta ses boutades de bonne grâce, elle finit par se calmer, et quand il la quitta, il lui offrit de réparer son manteau. « Vous fermerez la porte, » dit-il. « Je le prendrai dans ma chambre, personne ne viendra m'y ennuyer. » Herbert lui laissa le manteau et partit. Cyril était loin, Anthony aussi. M. Dare et sa femme causaient ensemble au coin du feu quand Joseph rentra. « On vous demande, monsieur. Qui donc, M. Delves ?»« Ah, faites-le entrer. J'espère faire quelque chose, » ajouta-t-il en parlant à sa femme, « et ce serait une bonne fortune pour moi. » Le sergent entra. Il revenait de cette entrevue avec le boucher à laquelle l'avaient accompagné William et M. Ashley. « Eh bien, Delves, avez-vous reçu mon billet ?» demanda M. Dare. « Oui, monsieur, » répondit le sergent en prenant le siège qu'on lui offrait. « C'est pour cela que je suis venu. Suivrez-vous mon conseil ? Mais non, je ne crois pas. Du moins pas avant d'avoir eu un bout de conversation avec vous. Que prendrez-vous ? Il fait assez froid ce soir. Je ne craindrai pas un verre d'eau-de-vie. » L'eau-de-vie fut apportée, M. Dare tint compagnie à son visiteur. Il convint avec lui qu'il faisait froid, que le temps n'était pas agréable, mais chaque fois qu'il amenait la conversation sur le sujet qui le préoccupait, le sergent trouvait moyen de le couper court. Madame Dare, fatiguée de ne rien apprendre, sortit de la chambre. Les manières de M. Delves changèrent aussitôt. Il rapprocha sa chaise de celle de M. Dare et se penchant vers lui. « Vous m'avez engagé à poursuivre le jeune Halliburton. Ce serait impossible. Halliburton ne s'est pas plus mêlé de cette affaire que vous et moi, M. Dare. Ne vous en occupez pas davantage. » « J'ai l'intention, au contraire, d'aller jusqu'au bout, » répliqua M. Dare. « Écoutez, » dit le sergent à voix basse, « je ne suis pas forcé de prendre note des affaires qui ne me sont pas légalement confiées. Il y a bien des choses qui se font par ici sur lesquelles je suis obligé de fermer les yeux. C'est ce qui a lieu dans ce cas. Tant que M. Ashley et Blanc ne s'adresse pas officiellement à moi, je n'ai à arrêter personne. Si je suis forcé, ce sera différent. Faites-vous allusion à Halliburton ? Non, vous êtes sur la mauvaise voie. Et vous croyez être sur la bonne, j'en mettrai ma main au feu. Mais je ne m'en mêlerai, monsieur, que si je suis forcé. Je vous le répète, ne m'y engagez pas, monsieur Dare. Vous encore moins que personne. » Monsieur Dare se renversa dans sa chaise et passa ses pouces dans les entournures de son gilet. Il ne soupçonnait rien. Le sergent se leva pour partir. Le second manteau, pareil à celui du jeune Halliburton, appartient à votre fils Herbert, chuchota-t-il en passant près de monsieur Dare. C'était son frère Cyril qui le portait samedi soir et qui a changé le billet. Il est donc facile de deviner qui l'a pris à M. Ashley. Vous vous tairez maintenant, monsieur, comme je le ferai. Si je le peux, j'irai demain à votre bureau et nous en causerons. Il faudra rendre l'argent en Blanc, ou bien il ne se taira pas à lui. M. Dare, stupéfait, laissa le sergent s'éloigner. Mme Dare l'entendit partir et rentra dans la chambre. « Eh bien ?» s'écria-t-elle vivement, « accuse-t-il Halliburton ?» M. Dare ne répondit pas. Il semblait qu'il eût reçu un coup de massue. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda-t-elle en le regardant. « Êtes-vous malade ?» Il se leva, tremblant comme dans un accès de fièvre. « Non, non. Peut-être avez-vous froid. Je vous demandais ce que Dales était venu faire. Accusera-t-il Halliburton ? Taisez-vous » cria brusquement M. Dare. « Il faut cacher cette affaire. Ce n'était pas Halliburton. »